Ino. Imprégné jusque dans ta chair par cette odeur unique des bois, tu vis seul dans tes pensées, mais par ta façon d'être et d'agir, je sens que tu regrettes ta façon de vivre. Dois-je rallumer le feu sacré? Mais toi, rallume mon cœur pour que mon esprit se porte mieux. Ce feu doit revivre plus fort pour réchauffer tous ceux qui vivent encore. Ton message est celui de protéger la terre. Je la protégerai aussi longtemps que je vivrai avec elle. Mais je n'oublierai pas d'apprendre et de partager aux autres ton message si divin. Inu kehu inu kuin nan tom tuta jijij peuatman ne mejit si ma jijij peuatman jitayamun jiji inu ayamini.